Oui. Rana? Oui, c'est moi. Rana? Oui. Attends un petit peu, il y a quand même un problème. Il y a un problème? Un grave problème. Oh non. Que veux-tu dire par grave problème? Tu sais qu'on est des amis. Pardon? Tu sais qu'on est des amis. Oui, nous sommes des amis. Je travaille à ton émission depuis le début. Oui. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas comment t'annoncer la nouvelle. Annonce la nouvelle comme tu peux bien la divulguer dans un vocabulaire simple. Ouais, mais c'est pas ça la complexité. Qu'est-ce que là, pourquoi tu as beaucoup de réverbération? Mais je suis dans le studio en arrière. En arrière. Je suis pas en arrière. Non, mais là, on comprend absolument rien. Voilà. Oui. On peut pas faire l'émission. Comment? On peut pas faire l'émission. Comment ça? Jure au moins que tu ne seras pas fâché. Jure-moi que tu ne seras pas fâché. Ben voyons, comment ça, là? On est la dernière émission du mois d'avril, puis tu viens de me dire, tu me dis, tu nous divulgues à nous, les auditeurs de CKRL et de l'émission Errance canadienne diffusée le lundi, que, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. C'est à peu près ça. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu allais être fâché. Je suis pas fâché! OK. T'appelles ça quoi? Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Non, mais comment t'appelles ça? Ben, comment j'appelle quoi? La façon dont tu réagis. Je réagis, ben écoute, je suis subjugué, je suis installé dans mon studio, mes trois techniciens et ma recherchiste, vous êtes de l'autre côté, vous me faites des signes, et puis là, tu viens de m'annoncer que j'aurai pas d'émission. Effectivement, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oui. Tu sais, à chaque fois qu'on commence, Oui. Allô? il y a un... Oui, excuse-moi. On comprend rien. Il y a un générique. Comment? Il y a un générique. Un générique. Oui. Oui, OK, un générique. Et puis là, il n'y en a pas. Là, tu es en... OK. Je peux pas faire d'émission juste parce qu'il n'y a pas de générique. Ben juste, ça représente l'excellente et l'extravagante structure audio. Cherche pas tes mots, toi. Non, mais ça peut pas, on peut pas commencer s'il n'y a pas de générique. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Normalement, dans les... Ah oui. Hey, normalement, enlève-moi ça. De un, tu es à CKRL, la radio la plus explosive à Québec et même au Québec, puis tu peux aller outre-mer, dans toute la francophonie. De deux, tu es à l'émission la plus extravagante et non maîtrisée, non maîtrisable. Et troisièmement, on peut très bien faire une émission sans générique, mais ma question... Oh, il est fâché. Ouais, Non, je suis pas fâché. Non, pas fâché. t'es fâché. Non, je suis pas fâché. Comment un générique peut-il disparaître? C'est ça, Hey, on comprend pas. ben, c'est pas mon bain. Arrête. Si tu savais pas. Mais je sais pas aussi de m'avoir Hey, écoute-moi. Écoute-moi. Tu sais peut-être pas. J'ai plusieurs sens. J'ai le sens de l'humour. J'ai pas le sens des affaires. Et j'ai un sens que l'on appelle le sens rénaldien. C'est-à-dire que j'ai dans mon cerveau des cases, comme tout le monde, mais en plus des cases, j'ai des cartes USB que je peux retirer et à l'intérieur de ça, il s'y renferme le générique.

Sonny Cute, Danny Briand, quoi de mieux pour commencer une émission? Wow, quoi de mieux? Mais là, j'étais même pas préparé. Je clapotais sur mon clavier. J'ai même pas... Ben, je peux avoir n'importe quand de l'inspiration de Mme Thibodeau. C'est pas ça la question, mais je voulais me ramasser avant d'ouvrir le micro. Je voulais me préparer, me mettre en situation pour pouvoir m'élancer. Alors, quand c'est comme ça, ben, je me dis tout simplement, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué, Mme Thibodeau. Je vous l'ai tout le temps dit. C'est simple, c'est simple. Pour se ramasser, se recueillir, se synthétiser, s'amalgamer pour être prêt à faire un micro exceptionnel, quand on ne l'est pas, pas exceptionnel, mais pas prêt. Quoi qu'on peut pas... Ça dépend, on peut être exceptionnel, qu'on peut pas... L'improvisation, madame, ça se contrôle pas. Ça vient ou ça vient pas. C'est comme lorsqu'on fait l'amour. On peut faire patate. On peut vivre des émotions que l'on n'avait jamais vécues, même si on est rendu à un âge avancé, madame. Ce qui est bien à n'importe quel moment de notre existence, c'est de se surprendre. Mais là, je ne suis pas prêt à faire un micro, là. Je me donne 2 minutes 50 secondes. C'est une bonne moyenne au bâton, 2 minutes 50 secondes. Oui, j'ai fait 15 secondes, hein? 15 secondes. OK, c'était 15 longues secondes. C'était long, c'était long. Je m'en rappelle encore. Elle aussi. L'air est sec et immobile. Drôle d'insecte, drôle de film. J'ai les jambes raides, du carton dans la tête, derrière mes lunettes noires comme des yeux à facettes. Je suis aussi sec qu'une brindille qui craque, coléoptère dans sa mue qui éclate. L'air chaud monte comme une membrane sur l'horizon et étouffent les vibrations des cigales et des grillons. Mouvement ralenti, mécanique saccadée entre les herbes qui ondulent. Insectes nobles et filiformes. Mon stylo mandibule grignote la feuille. Le cuir brûlant du siège avant, la sueur dans les reins, le moteur au point mort, mes antennes sont rentrées sous le capot coccinelle, carapace de tôle, carrosserie parcheminée, comme une cloque sur le bord de la route. Voiture inerte, paysage blanchi, panne d'essence au hasard. Et j'attends, comme un gros scorpion torturé, un gros insecte chloroformé, microscopique, vu d'avion, léthargique, à l'abandon. Vous savez, Craig, Mais allô, Madame Thibaudot? Vous savez que normalement, j'annonce jamais les titres des chansons. Mais là, ça me fait plaisir aujourd'hui. Là, je me suis dit, on est à la fin du mois. On sent le printemps à double amour. Nos narines respirent le bien-être. Et puis le premier, ben c'est le bien-être. Et c'est échec. Mais c'est échec à terre, là, je vous dis. Il n'y a presque plus d'eau, presque plus de neige. C'est échec. Le premier, c'est plus échec encore. Tout le monde a leur chèque. C'est échec. On pile ses chèques, on est heureux, on garoche de l'argent, on est riche. Hey, on a de l'argent, on a des chèques. Fait que quand c'est échec de même, t'es sûr de 1, pas glisser. T'es sûr de 2, tu glisses pas, tu roules sur les roseilles. Les réseaux se sont blancs, les oiseaux sont contents, et voilà le printemps. Ça, c'est Gilbert, le postillonneur de ces dames. Et je viens de lui offrir cette belle aventure. Aventure dans le... Non, je veux pas dire... Non, c'est en fait... je vais me rattraper. Je suis très bon, moi, dans le patinage artistique. je patine. Ça fait peut-être depuis ma naissance que je patine. Ça m'arrive de tomber. Je me relève. Je continue à patiner. Tu patines. Le matin, hein? Tu patines ton petit pain avec de la confiture de patine. Tu patines. Tu manges ta rôtie. Parce que tu te dis, ben non, c'est vrai, j'ai oublié de la placer dans le grille-pain, mais dans ma tête, c'est important, dans ma tête, je vais me dire que mon pain est passé par là. Tu prends une mordée, il me semble que c'est des rôtis molles. Connaissez-vous ça, des rôtis molles? C'est l'inverse de dur. C'est mou. C'est pas cuit, ça. C'est bien beau d'avoir dans sa tête des idées, de se dire, de se motiver. De dire, je vais modifier ça par la force de ma pensée. Ouais, mais quand tu manges quelque chose de mou dans ta tête, tu dis que c'est dur, ça reste quoi, là, au bout du compte? Ça reste un amalgame d'étrangetés. Ça commence ta journée ainsi. Vers où va-t-elle se diriger? cette première de la semaine, le lundi 30 avril. J'en viens pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, celle-là. Le temps passe et trépasse dans un monde d'angoisse. Je peux pas. Non, mais je peux la dire sans la rire, hein. La vie passe et trépasse dans un monde d'angoisse. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On a passé à un cheveu de ne pas faire cette émission-là à cause d'un incompétent qui se trouve encore derrière la baie vitrée. Et quand je dis baie vitrée, là, j'exagère pas. Ils ont mis 3 épaisseurs parce qu'ils savent très bien que je suis un garçon qui veut ce qu'il y a de mieux pour un public qui est là et qui l'attend. J'ai 3 auditeurs. Faut pas les décevoir. Ces 3 auditeurs-là, ils vont partir. Pis s'ils partent, ça va être la seule émission jamais entendue sur la planète. C'est merveilleux. Au moins, on va faire un record. Pas un record, un disque. Mais record, on va gagner une exception. Quelle émission? Imaginez-vous, là, vous écoutez, tout le monde veut prendre sa place ou l'autre, on l'a mis dehors, là, l'animateur de... Eh mon Dieu, comme c'est pas Bulle, c'est pas Savon, c'est... Savons-nous parler des choses? Savons-nous parler... crever! Ils vont crever. Non, il est mort, lui, ils vont crever. Ah mon Dieu, ils l'ont suicidé ensemble avec des ritournelles sympathiques. Lui, il n'était pas capable des ritournelles sympathiques. Lui, c'est un grivois. Quand il n'y avait pas une chanson grivoise là-dedans, il se sentait mal à l'aise, mal à l'aise. Puis il creusait, il creusait, il creusait. Il a creusé, ça tombe de même. Et puis, donc, comment il s'appelait, donc? Question pour un champion. Là, je ne me souviens plus de la question. C'est normal, docteur. Et ça aurait pu être faire une belle improvisation, celle-là. Là, on aurait pu l'allonger sur un divan freudien et lui poser la question. Parce que quand t'es psychanalyste, là, il y a 2 choses. Soit que t'as un patient, je sais pas si eux stipulent que c'est un patient ou un bénéficiaire. Non, c'est pas un bénéficiaire. Il bénéficie pas, lui, il paye. Ou un... Non, un patient. Il y a 2 sortes de patients. Peut-être même 3 sortes de patients selon moi en psychanalyse. Là, j'ai pas eu de formation comme ça. J'ai juste vécu 2 ans et demi avec une psychologue. C'est quand même une belle école, là. Alors la personne s'allonge sur le divan freudien. Et selon moi, il y a 3 styles. Celui qui ou celle qui, en s'allongeant, va commencer à parler. Et là, ça va... Ça ne s'arrêtera pas. Le deuxième, ou la deuxième, c'est celle qui va toujours s'allonger, mais qui va attendre la question du psy. Elle est là, puis là, bien stressée, même si ça fait sa 15e rencontre, elle a tout vidé ses comptes de banque, elle a vendu son chat, vendu son mari, vendu sa voiture, puis là, elle croit, là, elle est au bout du rouleau, puis elle va vendre sa maison pour se sentir bien. Donc là, elle est rendue peut-être à 15e, la rencontre. Elle attend toujours la question de son psy. À chaque fois, elle attend sa question de son psy. Comme si elle passait son bac, puis elle voulait performer. Là. C'est quoi la question de la semaine? La question, c'est que... La question, j'ai pas compris la question. Oui, j'ai encore rien parlé. J'ai rien dit. Oh, hein, d'accord. D'accord, je suis tellement pressé. J'angoisse. J'embarque, je stimule ma bagnole. Oh! Je stimule ma bagnole. Là, je veux pas parler de moi. Mais je stimule ma bagnole et je crains toujours. Je crains la question qui ne vient pas. Je crains. Je vais aller longtemps là-dedans, parce que, hey, wow, Avez-vous posé la question? Non, d'accord, j'attends. Allez-y. Ça, il y a ce genre de personnage-là. Et il y a le troisième. Celui qui est là, qui s'allonge, le psy pose une question, répond pas. Pose une deuxième question, répond pas. Et là, il s'arrête à la troisième question. Et le patient ne répond pas. Il décide donc, stratégie de psychanalyste, de ne plus dire un mot pour voir la réaction. C'est intéressant, là. Troisième question, hein? On ne la trouvera pas, mais on va dire qu'il vient de la balancer, la question. Et là, il attend. Il n'y a rien qui se passe. C'est une rencontre de 60 minutes. Il reste 52 minutes. Il ne parle plus. 15 secondes avant la fin. Bon, d'accord. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Merci. Et prenez un rendez-vous à la sortie. Hey, il s'est fait de l'argent à ne pas parler. Pendant tout ce temps-là, je suis sûr que dans sa tête, il réfléchissait. Il disait, « Oh là, il faudrait que j'appelle ma deuxième épouse pour lui mentionner que je n'irai pas au repas qu'elle m'a invité parce que j'ai ma petite secrétaire que je veux entretenir et surtout garder puisqu'elle est tellement compétente. Et puis peut-être, ah oui, ma petite dernière qui vient de percer sa dent, là, qui vient de... Je pourrais pas être là. La fée des dents, elle repassera. Puis moi, écoute, je m'intéresse pas plus à... Moi, je l'aime. Pas juste ça, moi. Écoutez, j'ai tellement de... La société est malade. J'ai du travail à volonté. J'ai même pas à mettre des petites annonces, à placer des annonces. Le bouche-à-oreille, comme disait Reynald, à un moment donné, dans son... Écoutez-vous, il rentre Reynaldienne. Chaque patient, moi, dans ma clinique, je leur conseille fortement, plus fort que ça, là, il reste plus de jus dans le micro, ça dégouline de partout. Écoutez Errance Reynaldienne. C'est pas parce que je le connais. Non, j'embarque dans ma voiture, moi, à la fin de ma soirée. Il est minuit. Et puis là, je sais plus quelle chanson écouter, des rengaines des années tranquilles. Ou... Et là, j'arrive devant quelqu'un qui me parle, qui rit, qui discute, qui m'amène des petites idées. Des fois, c'est pas intelligent. Des fois, c'est un peu plus. Puis, puis c'est une locomotive, lui. Il part, puis c'est pas par roue. S'arrêter, tu sais, c'est bien beau avoir des roues, mais comment freiner quand il n'y a pas de frein à tes roues? Mais il roule, il est content de rouler. Il connaît même pas les limites, lui, là. Et il sait même pas, surtout, à quelle vitesse il va. Mais il y va heureux, comme un petit bébé qui court après sa couche, qui est en train de fuir. Ouais, l'image est un peu bizarre, là, le bébé qui court après sa couche. Comment un bébé peut courir après sa couche? Pourquoi précède-t-elle l'enfant? Prendre un enfant par sa couche. Non, mais comment ça peut arriver? C'est juste à Errance Reynaldienne qu'on peut arriver à ça. C'est frissonnant d'intérêt et d'intelligence. Non, j'ai arrêté. Je voulais dire intelligence au début, mais je dis on va se calmer. On va se calmer, sinon il risque de se faire gicler lui-même. Il est comme ça, lui. Il s'auto-gicle. Moi, le jour où ma voiture va s'auto-gicler pour se nettoyer, je serai heureux. Mon poil est auto-giclant, moi. Tu le regardes, il part à gicler de partout. Les mains n'arrêtent pas de laver. Puis on dirait qu'il est content de se faire savonner. Puis quand je le regarde par la vitre, là, parce qu'elle le faut, hein, il sourit. Mais comment ils sont plus... Il sourit. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Il y avait... Hey, comment ça, il n'y a pas d'écho là-dessus, là? Il n'y a plus d'écho? Oh, OK. Non, ça, c'est pas le... Il y avait des gens heureux. C'était dans un temps silencieux. Ça, c'est de l'écho qui fait, vous allez dire, qui fait réverbération, effectivement. Mais c'est de l'écho qui fait distorsion. Il était une fois des gens heureux. C'était dans des bons silencieux. T'es-tu pris par le bon trou, hein? Hein? Je viens de me rendre compte que j'ai un gazou et que depuis des années, je gazouillais par le mauvais trou. Oh! Malaise! Effectivement, malaise. Je vais vous dire pourquoi, et je suis un peu gêné, mais à cette heure-ci, minuit 31, tout peut se dire. Là, si je me suis trompé de trou sur ce gazou, l'ai-je fait également pour mon amoureuse? Oh! Malaise! On va l'appeler. Elle dort à cette heure-là, je sais. Elle se lève tôt. Elle se couche tôt. Et moi, je me lève tard. Puis je me couche pas. Alors, appelle ma tendre moitié. Pas moitié, complète. Appelle ma complète. Laisse sonner. Non, on va y poser. Hey, je suis mal. Malaise. On n'a pas la ligne. Ça embarque sur le répondeur. Embarquer, ça veut dire que ça, après les sonneries, il y a le répondeur qui accueille le message. Rappel. On a le temps. Ouais. Là, on m'a préparé ici un jus de limonade et citron normalement, de la limonade, c'est avec du citron. Mais c'est beaucoup de sucre. Mais ils m'ont rajouté de la limette. C'est gentil, ta petite lime. Limette. C'est pas limite. Rappel. Moi, je vais vous goûter ma petite limette. Aimez-vous ça, le son dans le verre? C'est étrange un peu, hein? On dirait le bonhomme carnaval. On s'amuse. Rappel. Est-ce l'afficheur fait étoile non affichée, là? Rappel, elle va penser que c'est son amant. Elle va répondre. Ah, vas-y. Je crois que vous avez été trop fort sur la lime, monsieur. C'est notre stagiaire. Ouais, là, il faudrait apprendre à faire la lime moins pressée. Vous aviez la ligne? Bon! Salut, chérie. Hey, on a fait étoile pour pas que tu sois au courant que c'est moi. Hey, tu pensais que c'était ton amant? Oh, ma petite coquine. J'aime ça, les petites coquines comme ça. Ouais, tu dormais, hein? Elle a pas raccroché. Allô? OK, tu dormais, hein? Là, écoute, je me sens mal à l'aise. Mal à l'aise, oui. Hey, quand tu payes sur le bouton, t'es payé pour ça. Je me sens mal à l'aise. Bon. Parce que là, t'écoutais pas mon excellente émission Errance Rénaldienne. Ah, OK, ben oui, que la radio fonctionne, mais peut-être à 2 sur 20. Donc, c'est comme un bruit de fond, hein. Dis-le au public, mon amour. Bon. Mais là, j'ai joué du gazou. Et en jouant du gazou, mon amour, je t'aime. Je la prépare. En jouant du gazou, je me suis rendu compte que pendant bien des années, je me suis trompé de bout de gazou. Là, t'es pas obligé de répondre, là. Dit-il en se frottant la barbichette. Je me suis pas encore rasé. Ça te dérange pas, ma petite chérie? Bon. J'aime pas ça trop. Mais sais-tu que j'économise au niveau de la lame? Bon. Puis qui dit économie dit petit cadeau à sa chérie. Oh! Bon. Et puis, excuse-moi d'avoir. Toi, t'aimes pas ça quand on parle de notre vie amoureuse à la radio, hein? Oui, t'aimes ça? Bon, ok, parfait. Tu sais, bon, alors donc, Gazou jouait à l'envers. Là, je me sens un peu. Mal à l'aise. Tu sais, dans notre vie intime, là, ma petite chérie. J'espère que tu vas me dire non. Est-ce que je me suis trompé souvent debout? Oups. Et tu n'as rien dit? Oh, et je ne comprenais rien. J'étais sourd d'oreille. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oh! M'aimes-tu encore? La liaison. M'aimes-tu? On dirait une série télévisée, c'est d'une beauté. Est-ce qu'il y a une suite la semaine prochaine? Non. M'aimes-tu encore? Oh, moi aussi, je t'aime, ma chérie. Est-ce que je peux t'embrasser sur la mouche? Je t'embrasse sur la mouche. Bye-bye à tout, à tout à l'heure. On la refera pas. À tout à l'heure, ma chérie. Je t'embrasse sur la mouche. Elle aime ça quand je fais le chaton. Attends un peu. Je l'avais mieux que ça hier. C'est bon, hein, chaton? C'est beaucoup d'années de pratique. Beaucoup d'années de pratique. Là, vous aimeriez que je fasse l'invitation, que je vous annonce, mon ami. Petite pause musicale. Pas très longue. Juste, en plus, je ne sais même pas. Est-ce que c'est une pause musicale? Écoute-moi bien, petit gars. Oui. Allô, je vous écoute, monsieur Novembre. Et puis, de un, c'est pas votre année. C'est pas votre mois. Mais je vous écoute. On y va. Ce que j'ai fait là. Oui. D'accord. Aucune bête au monde ne l'aurait fait. Oh, une bête. Vous vous comparez à une bête? Une bête de scène, oui. Allez-y. N'empêche qu'il y a des tas de bêtes qu'on fait des tas de trucs que j'aurais été incapable de faire. Oh, moi aussi. Oh, j'ai été cheminot, j'ai été pirate. Des rôles de macro ou d'aristocrate. Mais toi, tu sais que même étant aristocrate, tu ne portais pas la cravate. Mais, par ta conviction de jeu, et surtout, par ta façon de marcher et de parler, on y croyait. Mais tout ce que je sais... Oui, tu le sais encore? C'est que si j'avais pas appris ce que je ne savais pas avant de l'apprendre... Oh, là, ça commence à être compliqué. J'aurais pas pu savoir que ce que j'ai appris. Tu le savais déjà. Ah, oh, je vous ai coupé, monsieur. Est-ce que c'est... Oui. Ah, vous êtes pas de bonne humeur, là. Ah, non, mais quand il est pas de bonne humeur... Quand... Oh, là, il est pas de bonne humeur. Et c'est comme ça qu'il déparle. C'est comme un moteur. C'est un trois saisons. C'est pas Vivaldi, les quatre saisons de Vivaldi, celle-là, là. Non, c'est un trois moteurs. Comment t'appelles ça? Un trois cylindres. Je connais rien des voitures. C'est pour ça que je dis trois moteurs. Trois cylindres, trois moteurs. OK. Je ne savais pas avant de l'apprendre. Apprendre quoi? On l'a entendu tout à l'heure. J'aurais pas pu savoir que ce que j'ai appris, je le savais déjà sans le savoir. Mais si t'avais su... Si t'avais su, Tom Novembre, là, mon ami Tom, si t'avais su, on le dit, on va le redire une autre fois parce que ça fait plus dramatique. Si vous avez jamais étudié à l'Actor Studio, moi j'ai fait 6 ans, je l'avais allé plancher, mais j'écoutais les grands acteurs. Là. J'ai connu Al Pacino, Marilyn Monroe, Greta Garbo, Jean Gabin, puis Danny Breyan. Et quand j'ai appris que je ne savais pas tout ce que j'avais à apprendre, eh bien j'ai su qu'il faudrait que j'apprenne tout ce que je ne savais pas avant de l'avoir appris. Et comme apprendre et savoir, eh bien c'était ce que je tenais à savoir puisque je l'apprenais en le savant. Savez-vous, j'ai même pas baissé le son. C'est lui-même, c'est à la console qu'ils ont décidé de tout virer ça. Mais on va la reprendre, OK? Vous allez... Après ça, on va enchaîner avec mon ami. Faites-vous-en pas. Écoute-moi bien, petit gars. Ouais. Ouais, je t'écoute, papa. Ce que j'ai fait là, oui. Aucune bête au monde ne l'aurait fait. Ah oui. N'empêche qu'il y a des tas de bêtes qui ont fait des tas de trucs. D'accord. Que j'aurais été incapable de faire. Oh, oh, j'ai été cheminot, ah, j'ai oui. été pirate. Oh. Des rôles de macro ou d'aristocrate. D'aristocrate. Mais tout ce que je sais, oui. c'est que si j'avais pas appris ce que je ne savais pas avant de l'apprendre, oui. j'aurais pas pu savoir que ce que j'ai appris, je ah. le savais déjà sans le savoir. Oui. Et quand j'ai appris que je ne savais pas tout ce que j'avais à apprendre, eh bien, j'ai su qu'il faudrait que j'apprenne tout ce que je ne savais pas avant de l'avoir appris. Hein? Et comme apprendre et savoir, eh bien, c'était ce que je vous tenais à savoir puisque je l'apprenais en le sachant déjà. Oh. Oh! Yeah! Ou une robe en satin, un collier de chien ou un bracelet africain. Elle joue à paraître ou bien elle joue à disparaître. Silhouettes anonymes, up to date, old fashioned, étrangères, passagères. Jamais je ne saurais qui elles étaient. Elle maquille leurs désirs adultères, aventures éphémères comme des courants d'air. Elle change d'avis comme elle change d'alibi. Pourtant donnerait tout en échange d'une nuit. Silhouettes anonymes, up to date, old fashion, étrangères, passagères. Jamais je ne saurais qui elles étaient. Escapin, elle bouge au féminin. Et quand elle bouge les reins, elle font ça par instinct. Silhouettes anonymes, up to date, old fashioned, étrangères, passagères. Jamais je ne saurais qui elles étaient. T'as vu la fille là-bas? Où? Là, là, là-bas. Et c'est là, tu l'as vu, celle-là? Ah là, juste en face. Ah ouais? Elle est mignonne, non? Elle est super canon, tu veux dire? Bon, faut pas exagérer. Si elle ressemble un peu à la Mimi? Bah alors vas-y, attaque, tente ta chance. T'es fou, je sais pas danser. Moi, c'est pas grave, t'es pas tout seul. Bah, allez, te plante pas derrière le poteau. Viens, on va au bord. Ouais. Un pépermint, comme d'habitude. Affirmatif. Et pour le petit jeune homme, là, un lèvres. No comment. Hey, y'en a trois qui viennent d'arriver, là, regarde, regarde. Ah oui. Bah vas-y, à toi de jouer, comme ta chambre. Bon, petit idée. Avril. Silhouettes anonymes, up to date, old fashioned, silhouettes passagères, jamais je ne saurais, c'est qu'elles étaient. Tome novembre, oui. Aujourd'hui, le lundi 30, tome 30 avril. C'est pas la chanson, là. C'est en avril. Non, c'est en... Non. Lui, c'est quoi? C'est en septembre. À 30 avril 2018, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Ah! Les problèmes liés, tous les disques ont tombé, mais je les ai rattrapés. Trio au boulot et au ciboulot, les disques de mon ami Louisville ont passé à un cheveu de se faire égratigner. Mais j'ai été très vigilant, Louis, ne t'en fais pas. Donc, les CD, à l'époque, on disait les carottes sont cuites. Aujourd'hui, on dit les CD ne sont pas rayés. C'est une nouvelle affirmation pour entrer dans des bars clandestins. Aujourd'hui, on va leur dire le lundi 30 avril 2018, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée, c'est pour nous ramasser un peu, là. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami, je vous dis depuis tout à l'heure, la semaine dernière aussi, Louisville. Et ce soir, cette nuit, ce matin, nous entendrons un inédit de son album à venir. Il m'a fait ce cadeau-là. Il faut dire que j'ai travaillé fort, là. Il était en tournée au mois de mars. Et là, je dis, écoute, là, j'aimerais avoir un inédit, quelque chose pour nos auditeurs québécois. Là. Il dit, ouais, sans aucune hésitation. Il m'a dit, je t'envoie quelque chose demain, en parlant de dimanche, parce qu'il était en tournée. Il revenait chez lui le lendemain. Donc, on commence par ce scoop et tout le reste de l'émission, c'est 100% Louisville. J'espère que vous allez l'apprécier et vous l'avez entendu, il y a déjà quelques dodos. C'est 7 dodos. 7 dodos, il y a 7 dodos. Il est extraordinaire, généreux, intelligent et à l'affût de tout ce qui se passe dans notre société. Dehors, la brume s'immisçait dans chaque pavé, chaque recoin, recouvrant d'une mer d'huile toutes les clameurs, tous les chagrins. Dehors, les hommes bouffaient du coton, étouffant les cris, les pleurs. Les hommes bouffaient du coton, asphyxiant tous leurs démons. Dehors, les fleurs s'étiolaient, chaque racine pourrissait, garant la terre d'une amertume, offrande des amours posthumes. Dehors, les hommes se courbaient, lambeaux d'ombre vieillissante. Dehors, les hommes se courbaient, et leur cœur fatiguait. Dehors, la mer s'était tue. Plus d'écume, plus de tumulte, et les mouettes regrettaient ces gros temps, ces vents mauvais. Dehors, les hommes survivaient, ne sachant où se poser. Dehors, les hommes survivaient, ils volaient à en crever. Ressemblait à ces 14 juillet. Le noir, le feu, les flammes brûlent, et leur dieu s'était enfui. Pendant ce temps, d'autres trinquaient, pas comme le nouveau dieu. Et dedans, d'autres trinquaient, ils vivaient tant mieux pour eux. Pendant ce dedans, d'autres trinquaient. Bacana, le nouveau dieu. Et dedans, d'autres trinquaient. Ils vivaient tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Souvent des. Parce que lorsque tu fais un album, on se l'approprie. Hein? Je me le procure donc je me l'approprie. Est-ce que des gens qui te racontent l'histoire d'une chanson qui les a fait cheminer ou oui, qui... oui. Des fois, il y a des témoins. Comment ça se passe? Ça doit être assez émouvant, ce genre de choses. Ben, ça dépend de qui me parle. Comment ça? Comment? Qui? Ben, pourquoi tu dis ça comme ça? Parce que qui me parle? Parce que des gens qui me disent des choses. C'est plus ou moins des choses que j'ai presque envie d'entendre, donc je sais que c'est il y a quelque part une volonté de plaire. Il y a des choses qui sont. Par contre, des fois, il y a des témoignages de personnes qui sont très émouvantes. Ah oui. Une fois, je me souviens, c'était un couple de personnes assez âgées comme ça qui avaient été déportées. Et qui sont venus morts par après une chanson et qui m'ont dit on, c'était notre histoire et ils étaient émus aux larmes et là franchement c'était la plus belle des récompenses, ouais, voilà, ouais. C'est tout, parce qu'en fin de compte j'ai toujours voulu que mes chansons soient universelles, qu'on puisse se les approprier, ça puisse être l'histoire de tout un chacun, c'est normal. Il faut se déposséder des choses qu'on met en circulation. Mais là, en l'occurrence, ça avait touché des personnes et je ne m'imaginais pas une seconde que ça allait aussi loin. Que ça allait les toucher. Oh, ouais. Et Et là, j'étais très ému. Je suis très, très ému parce qu'en fin de compte, je me suis dit, ben voilà, au moins, rien que pour ça, ça justifie mon engagement. Ouais. Et mes années de galère. Ouais. Et tout le reste. Il n'y a rien pour rien aussi. Là, hein. On voit qu'il y a un cheminement aussi. Et le public commence à se racoler à tes textes, à se racoler, puis surtout à s'approprier tes textes. C'est ça qui est intéressant, à s'approprier tes textes. Ben moi, je crois que c'est le but de la manœuvre. Oui. Quand je raconte une histoire qui est personnelle, j'ai envie que la personne qui l'écoute se dise « ça, c'est mon histoire ». Écoute, j'ai commencé à discuter avec Albin de la Simone et Arthur H sur le principe que lorsque l'on fait un disque, il faut placer les chansons. Il y a un placement, mais j'en suis. Je crois que j'ai toujours été nul là-dessus. Ben c'est ça. Et c'est de là que je veux t'entendre discourir. Est-ce que c'est toi qui choisis la première pièce? Non. Non. C'est non. Qui? C'est ta copine? C'est d'une part ma femme. Ta femme, excuse-moi. Oui, non, mais c'est pas. Okay. C'est ma copine. Ben oui, elle est devenue copine avant de devenir femme. Ta femme, ouais. Donc. C'est le label aussi, parce que ils ont du recul par rapport à ça. Moi, je suis trop partie prenante dans le projet. C'est-à-dire que j'accouche de quelque chose et je n'ai pas du tout de recul nécessaire. Je suis complètement dans l'affect. Il ne peut pas y avoir de vision objective. Donc, c'est pas à moi de le faire. Mais tu as quand même ton grain de sel là. Bien sûr, si vraiment il y a quelque chose qui me paraît complètement invraisemblable, je le dis. Mais la plupart du temps, je respecte ce que me disent ces gens-là. Tu n'es jamais déçu, rarement déçu. Non, parce qu'en fin de compte, je dois revendiquer tout ce que j'ai fait. Et... Écoutes-tu souvent tes anciens textes, tes anciens disques, ou si tu veux pas toucher à ça? Non. Non, pourquoi? C'est souffrant? Le premier album est souffrant? Non, de pas du tout, mais je sais que ça correspond à un moment de ta vie. Un moment de ma vie. Ça correspond à une inspiration, à une technique, à un tas d'environnements, un environnement qui est bien spécifique. Tous les 5 ans, je réécoute un album. Ok, tu réécoutes. Tous les 5 ans, pour voir ce qui a survécu. Et si tout ça a bien vieilli. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont mal vieilli, mais c'est normal. Et est-ce que c'est selon toi ou le groupe avec qui tu écoutes l'album? J'écoute seul. Ok, t'écoutes seul, alors là, par oui. Chaîne, là, que tout le monde te... Non, c'est vraiment des trucs, c'est trop personnel, ça. Ah oh, ouais. Parce que ça présente un tel investissement que... Il ne peut pas y avoir de communion, enfin, ni de compréhension réelle, du ressenti, de l'affect par rapport à un album, avec d'autres personnes qui n'ont pas vécu ça de l'intérieur. C'est impossible. C'est impossible, ça présente tellement de travail, c'est vraiment très personnel, ça. Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu te souviens très bien du moment, ou surtout de l'univers dans lequel tu étais lorsque tu as créé une chanson en particulier? Non, j'oublie tout, moi. Ça peut aider à ne pas se répéter, à ne pas... Je fais confiance à mon cerveau. Ok. Je fais confiance à mon cerveau. Jusqu'à présent, ça va. Il a été un petit peu... Il a été à peu près sympathique avec moi. Ok. C'est-à-dire qu'il a... Ouais, il m'a permis de raconter des choses sans trop de redites. Donc, c'est bien. Souvent, lorsqu'on fait un autre album, on veut répondre à certaines chansons que l'on a faites avant. Es-tu dans ce créneau-là? Non, pas du tout. La chanson est fixée, c'est fini, on n'en parle plus, on va aller ailleurs. Je raconte des petites histoires, hein, ce sont des petits courts-métrages, des petites choses comme ça. Non, il n'y a pas de... J'essaye d'avoir une thématique dans pas mal de mes albums, mais c'est une thématique à moi. C'est quelque chose que je ne raconte pas forcément. Et c'est mon petit joke à moi. Ah voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que le public, depuis le début, tu vois un certain... Certains individus qui se présentent à chaque spectacle, est-ce qu'il y a un public qui suit Il y a un public fidèle, oui. Il y a des gens assez fidèles, oui. Mais en 17 ans, voilà. Mais tant mieux, c'est bien, c'est... mais il y a d'autres publics qui arrivent et d'autres qui sont... Des générations, on appelle ça déjà la génération des plus vieux. On va amener les enfants à voir Louisville, ça peut... Oui, ça m'est arrivé, oui, ouais. Ça m'est arrivé. Mais c'est pas comme Johnny, hein, ça va quand même, mais pas 3 générations. Oui, bon. On refait de toutes pièces par les miracles de la technologie. Mais est-ce que tu suis de près la musique en général? Non, très peu. J'écoute, j'entends des chiots. Pourquoi pour ne pas te laisser... C'est pas ça, c'est que j'en pratique quasi à longueur de journée. Alors t'as pas le temps. Les oreilles, t'as pas le temps. Mes oreilles, elles ont pas le temps. Mes oreilles, elles ont besoin de repos, elles ont besoin d'autres choses. Et c'est, pour moi, c'est ça, c'est important. Le repos intellectuel par rapport à la musique. Par contre, il m'arrive d'écouter des fois des albums, mais comme ça, de manière subite. Mais c'est pas une radio qui va tourner toute la journée à me raconter des choses, à me parler de phénomènes de société, de problèmes de société, tout ça. Mais la musique, j'en ai bouffé de la musique depuis ma putain enfance, parce que mes frangins écoutaient les Stones, écoutaient les Beatles, ils écoutaient Clash, aussi. Clash. C'était avant ça. Ok. Ils écoutaient David Bowie, ils écoutaient T-Rex, ils écoutaient Iggy Pop comme ça. Iggy Pop, oui, les Stones. Pas trop les Stones. Okay. Voilà, donc j'écoute, j'étais déjà baigné dans cette musique. Ma mère écoutait Chopin, Brassens et Brel. Voilà. Ah, mais c'est pas mal. Ouais, c'est rigolo. Rigolo. Donc, c'était un mélange assez rigolo. Donc, après, moi, j'ai fait de la musique, j'ai réécouté de la musique, j'ai écouté de la musique sans arrêt. J'ai fait que ça jusqu'à, je dirais, mes 30 ans. Écoutez. Manger, digérer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, ça suffit. Là, tu prépares un nouvel album. Ouais. Est-ce que c'est toujours le même stress? Est-ce que c'est toujours la même. Est-ce que c'est aussi compliqué au début? C'est hyper compliqué, bien sûr que c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui est compliqué? Puis ce qu'il était moins avant, apparemment aujourd'hui, il y a quand même... Je crois qu'on est dans une précarité à l'heure actuelle qui est quand même assez évidente. Et alarmante surtout. Hein? Alarmante, oui. Non, mais je suis trop bête, moi, je ne me rends pas compte de ça, mais je m'en fous. C'est pas tant ça, c'est surtout... On veut bien faire, mais on ne sait pas du tout si on va bien faire. On ne sait pas du tout. J'ai pas envie d'être racoleur, je fais selon l'inspiration, mon inspiration, mais je ne sais pas du tout si ça va rencontrer un public, ça, j'en sais rien du tout. Et en cela, je ne suis pas encore dans la phase d'excitation, comment que ça va être perçu et tout ça. Pas du tout. Ok, t'es plus excité que stressé, normalement, quand tu prépares un album. Bah oui, parce qu'il y a quand même un bébé, il y a une partie de soi qui sort et dans la douleur? Ouais, ce serait un petit peu présomptueux de dire que c'est la douleur, faut pas déconner quand même. Hein. C'est quand même... faire le métier que je fais, faut pas exagérer, c'est quoi. C'est je creuse pas des trous sur le bord des routes. Ouais, du tout. Il y a quelque chose de l'ordre du privilège quand même dans ça. Je vais créer du vent. Mais tu parles de privilège, c'est un choix aussi économique d'être artiste, c'est-à-dire complètement. C'est compliqué, mais je regrette pas. Non. Je fais ça depuis mes 17 ans, ça va faire 40 ans. Bah, tu fêtes tes 40 ans comme certains le font. Non, je vais pas le faire. Okay. Je vais le faire entre copains. Piètre marin, oh bien sûr, parfois même assassin, refusant de rebrousser chemin, égoïste à embraver le destin. Oui, je suis un grand marchand de rien, charlatan, je ne sers plus à rien. Bonimenteur, vendeur de chagrin. des tempêtes, j'en ai tant déclenché. Je m'enlise dans les sables mouillés. Je m'échoue à tes pieds. Je t'aime. Sais-tu que ces belles lumières, c'est la fête foraine qui s'anime sous tes pas, s'abreuvant de tes rires. Et ces chevaux de bois tournent, tournent pour te plaire, carrousel immobile quand tu ne regardes pas. Sais-tu que ces lumières se nourrissent de ton feu? Tu t'en vas en colère, elles s'éteignent peu à peu. Oh bien sûr, je suis un bien piètre forain. Oh bien sûr, parfois même assassin. Refusant l'enfant et tous ses rêves. Peu égoïste, insensible à ce feu. Oui, je suis un grand marchand de rien. Charlatan, je ne sers plus à rien. Bonimenteur, vendeur de chagrin. Des tempêtes, j'en ai tant déclenché. Je m'enlise dans les sables mouillés. Je m'échoue. Rénaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Je vous parle de ma rue, cette rue qui m'a vu naître, une longue, longue rue, toute bordée de hêtres. Il y a le boulanger, toujours sourire aux lèvres, qui se fendait salut. Salut petit Louis. Et puis le vieux Joseph qui nous fait voyager de balades en forêt, en histoires merveilleuses. Et puis il y a le coiffeur qui inspire la terreur, c'est notre croque-mitaine. Celui qui vous fait peur. Avec mon petit vélo, les cheveux au vent, je descends cette rue insouciant et heureux. Je vous parle de ma rue. Je vous parle de ma rue. Ces gens qui feignassent sur les grandes terrasses, sirotant leurs boissons, ça jacasse, une rue pleine de vie où tout le monde sourit, je les vois survivants. Et moi je suis vivant, je suis vivant. Et puis voilà Marcel, et puis vivement ce soir, et qu'il nous ensorcelle avec ses vieilles histoires, et cette petite gare crachant son flot mineur après leur dur labeur, regagnant leur demeure. Avec mon petit vélo, les cheveux au vent, je descends cette rue insouciant et heureux. Je vous parle de ma rue. Je vous parle de ma rue. Oscar le boucher, le tablier plein de sang posant comme un faisan qui cache sa biture. Petite idée, ses fruits, toujours de bonne humeur, la voix cassée par elle. Qui sont beaux mes kiwis, qui sont beaux mes kiwis, qui sont beaux mes kiwis. Alfred le cantonnier, qui après sa journée va toujours se saouler dans son estaminet. Et puis surtout y a Jeanne, des fleurs plein les mains, qui jamais ne se fane ma rosée du matin. Moi je l'aime Jeanne. Je l'aime ma Jeanne. Moi je l'aime ma rue. Moi je l'aime ma rue. Avec mon petit vélo, les cheveux au vent, je descends cette rue insouciant et heureux. Je vous parle de ma rue, je vous parle de ma rue. Moi je n'aime ma rue, cette rue qui m'a vu naître une longue, longue rue, toute bordée de hêtre. Je vous parle de ma rue, je vous parle de ma rue. Mais le dernier album, qu'est-ce que tu veux amener que les autres n'ont pas encore parlé ou n'ont pas encore touché comme musique, aussi comme au niveau narratif et au niveau musical? Ben, au niveau musical, je vais essayer de quand même d'être dans des registres. Je vais faire le grand écart. Ça, c'est évident. C'est-à-dire? Ben, faire le grand écart. Je vais passer d'un style à genre à un autre. Sur le même album, c'est ça? Ouais, okay. ouais, je vais faire le grand écart. J'ai pas envie de me priver de mes inspirations. Et il y aura des choses très groovy, mais un peu slamées comme ça. Il y aura des choses très mélodiques aussi, très Motown. Tu vois, des choses... J'ai pas envie de m'emmerder. C'est-à-dire que si cet album-là, on ressent le plaisir avec lequel il a été fait, eh ben pour moi, ce sera pari gagné. Ben oui, on va avoir le plaisir de l'écouter autant voilà. que tu l'as eu à le faire. Est-ce que les musiques actuelles, est-ce qu'ils t'influencent? Est-ce que tu veux y toucher aussi dans tes albums? On parlait de ces groovy. À l'heure actuelle, je trouve pas de quoi manger en musique. Okay. En musique. Je crois que le problème, c'est que plus je prends de l'âge, et plus je vois la redite et la répétition. Okay. Avec les nouvelles technologies. Le radotage, comme on dit. Le radotage. Et je suis un spectateur assez navré et assez embêté par rapport à ça. Parce qu'en fin de compte, il y a pas mal de groupes que je peux entendre. Donc ça, je me dis, c'est pas mal. Puis d'un seul coup, pop, ça me renvoie à... Ok, ouais. À Bowie, ça te renvoie à ce que tu as déjà entendu. Oui, il y a des tas de gens qui étaient, à leur époque, très novateurs. Le problème, il est là, quoi. C'est essayer de créer ce qui est nouveau quand ça a déjà été... On croit que ça a déjà été fait, mais... Ben, c'est tellement facile. Oh, hein. Oui. C'est comme une tournure de phrase, on est content. Oh oui, c'est lui, Rimbaud l'a déjà fait, celui-là. On est un peu déçu de notre... On se croyait génie, mais ça vient de descendre d'un cran. Ben, complètement. Alors donc, qu'est-ce que tu veux parler, que tu n'as jamais abordé, ou quel est l'angle que tu veux apporter? Je ne peux pas absolument pas te dire par rapport parce à ça. Parce que tu es trop près encore. Oh, je suis dedans. Mais là, tu es rendu quoi? Tu as écrit tes textes? Non, là, je me suis foutu un challenge qui est complètement stupide. Mais je une sais... date, c'est ça? Non, pas du tout. Okay. C'est je vais écrire que les musiques. Avant d'écrire ouais. les textes? Oui, et ça va être la première fois que je vais faire ça. Tu es rendu à quel niveau du processus? Tu as pris ta guitare déjà, là, le processus est là. Ah, mais j'ai déjà arrangé... 8-9 titres déjà. Et ça va comporter combien approximativement? Oh, je vais pas en faire beaucoup. Une douzaine, une dizaine? Oui, une dizaine, douzaine. Quoi. Là, j'ai encore deux ou trois à créer, mais voilà quoi. Jettes-tu beaucoup? Comment? Est-ce que tu jettes? Non, je suis têtu. Ok. Je suis très têtu. Alors, tu travailles, tu veux pas l'abandonner, tu veux pas lâcher le bouton? Partiellement, la thématique me semble intéressante. Il y a quelque chose là. Voilà, où je sens qu'il y a quelque chose à exploiter, j'y vais. Par contre... Il y a du déchet, évidemment, bien sûr, parce qu'il y a de la mélodie, il y a des... Et puis, il y a aussi une vigilance par rapport à, justement, la redite, la ringardise. Et c'est hyper compliqué, tout ça, de toute façon. Ben oui. Puis plus tu fais d'albums, plus c'est compliqué. Parce que tu veux... Tu sais, il n'y a pas de recette, et tu ne veux pas utiliser de recette, surtout. Non, surtout pas. Voilà. Surtout pas. C'est en cela que je m'autorise des choses cette fois-ci. C'est-à-dire lesquelles? Ben, de aller sur des terrains sur lesquels je ne suis pas trop souvent allé. Musicalement parlant. Oui, musicalement parlant. Et je voudrais essayer ça. Donc voilà. As-tu beaucoup de musiciens qui se greffent à toi? À l'heure actuelle, pour le moment, c'est tout seul. Je fais ça en studio. Tu fais guitare, tu fais batterie, tu fais... Les samples, tout ça, je travaille des sons, je travaille des atmosphères. Ah, c'est bon, c'est bien. Et après, je propose aux gens, en enlevant leur partie musicale, et je leur dis, moi, ça t'intéresse pas. Voilà. Comme ça, je me dis que le canevas est là. L'ossature, la structure, quasi... Voilà, quasi finale. crains-tu les mots qui vont venir se greffer à ça? As-tu peur que ça ne vienne pas? Ou si au c'est un peu comme l'éponge, tu te sens bien engorgé et prêt à... Il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Des mots? Au portillon, oui, okay. Beaucoup de thèmes. Mais là, tu ne veux pas écrire encore parce que tu tiens que les mélodies Je couche sur papier des petites choses. Tu triches un petit peu. Non, pas du tout, parce que je vais me servir de ce que j'ai écrit et je vais voir si telle musique inspire par rapport au thème que j'ai commencé à écrire. Mmh. Et à partir de ce moment-là, je peux développer. Mais ça risque d'être très compliqué, mais ça me fait rire. Il faut bien trouver quelque chose d'excitant dans la création. J'ai essayé toutes sortes d'écriture, voilà. Ouais. Texte en premier, chant, texte en même temps. Et puis je m'autorise autre chose, voilà, et on verra. Mais c'est rigolo, hein, c'est rigolo. Je pense que ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. À la mesure, il va y avoir des contraintes musicales. C'est-à-dire des contraintes musicales? Contraintes de ce que j'écris. Parce que tu peux pas, des contraintes... Une contrainte de structure, une contrainte musicale, l'harmonisation et tout qui va m'imposer quelque chose. Et je verrai bien de quelle manière je peux m'adapter. Et puis dans ce travail-là, j'avais une belle feuille, je l'ai perdu. Je te laisse le temps de le trouver. Oui, on va le trouver. Travail, musique... Non, je l'ai perdu. Mais ça va me revenir, j'ai 10 questions qui vont peut-être me faire... Si tu étais un liquide... Un liquide? Je serais l'eau. L'eau, c'est universel et ça... Et c'est essentiel. Oui, bientôt nous en manquerons peut-être. On dépend suffisamment de thunes pour créer des armes de destruction. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas utiliser cet argent-là pour... Pour traiter l'eau qui existe et qui est en quantité suffisante partout dans les océans. Hein. Voilà. Si tu étais une ville? Une ville? Ah, je serais une ville inventée. À inventer. Tu sais, comme les jeux de société. J'ai jamais joué à ces jeux-là. Des jeux de société, entre guillemets, là. Des jeux de. Les trucs, quand tu sais. De ville, comment construire sa ville, sa ferme et son cirque et toutes ces choses. Je serais une ville inventée parce qu'elles ont. Toutes celles que je peux connaître ont des charmes réels et indéniables, mais elles ont. Des failles. Des failles. Ouais, donc, à la limite, je pourrais être Monsieur Haussmann et je créerais une ville. En essayant de prendre en compte la vie et le bien-être de ses habitants. De chacun. Voilà, et puis j'essaierai de faire une vie où quand même on puisse, de manière tout à fait raisonnable, acquérir des appartements. Voilà. Accessible, oui. La question m'est revenue. Dis-moi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te dis, à un moment donné, on doit se lancer sur un autre album? Est-ce que c'est le fait que la tournée est terminée? Il y a un peu de ça. Et puis, comme je te disais, il y a des choses qui se bousculent au portillon. Okay. Et c'est fou. C'est une demande là, de ta part. Voilà, il y a comme un manque, un manque à combler. Et il y a des choses, il y a trop de choses qui se... À dire. Qui se chevauchent et ça devient compliqué. Ça devient compliqué quand on est avec des amis et que d'un seul coup, on a des idées qui viennent et qu'on se dit « merde ». Je dois m'éclipser parce que j'ai... Non, je ne m'éclipse pas. Non. Okay. Ah non. Okay. Ça revient pas, je m'en fous. Mais ça ne doit pas me dicter ma vie. Voilà. Mais quand je sens qu'il y en a trop, il faut que je lâche du lest. En tournée, es-tu du genre à bosser sur des textes ou sur de la musique? Ou quand tu es en tournée, c'est la fête? Je profite des amis, je profite des gens qu'on rencontre et j'essaie surtout de me reposer. En tournée, tu te reposes? J'essaie de me reposer. OK, entre chaque spectacle, pour pouvoir être frais et dispo. L'intérêt, c'est que quand tu tournes depuis autant d'années, les gens t'attendent dans chaque ville. Il y a des villes dans lesquelles on m'attend, ouais. D'autres où... Mais c'est flatteur. J'aime bien reconnaître des gens comme ça dans le public. Ça rassure. C'est qui organise ces tournées-là? C'est ta femme qui... Ma femme gère beaucoup. OK. Elle gère énormément c'est de choses. C'est ta tourneur. Ouais, c'est mon tourneur. Et comment ça fonctionne de ville en ville? S'il y a un public, au lieu de faire un soir, tu vas en faire deux? La disponibilité est là? Selon parce que là, tu sais que si tu vas à Reims, tu es beaucoup demandé à Reims, donc tu vas fixer deux dates parce qu'il y a beaucoup de public qui tient à... Ça dépend de la demande et puis en fonction du calendrier. Ouais, c'est ça. Aussi, ça dépend aussi du calendrier. Combien tu fais de spectacles par année approximativement? Non, vas-y. Thank you. l'ours blanc. Et de loin, le roi de ces déserts, sans couleurs et lactées, qui domine notre terre. Et le banquise en banquise, de petits phoques en petits phoques, l'ours blanc s'immunise, ou du moins fait ce qu'il peut contre la connerie des hommes. Hey, ça c'est sûr, n'est pas le plus rare de tous. Communiste à ses heures et vert de temps en temps. Et de banquet en banquet, il est rouge du sang de tous les assassins, tortionnaires et amants de la connerie des hommes. Et ça danse à des airs d'opérettes là-dessous, la photo champignon qu'il mange pour oublier. Devant tous des cris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là, elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. Je me forçais de la perdre pour trouver le droit chemin d'une vie sans grand mystère où l'on ne se donne pas la main. Des mots dans la marge étroite, tout tremblant qui font des dessins. Je me sens si maladroit et pourtant je me sens bien. Tiens, voilà, c'est ma détresse. Tiens, voilà, c'est la vérité. Je n'ai jamais eu d'adresse, rien qu'une fausse identité. Je t'écris de la main bête, celle qui n'a pas le poing serré. Pour la guerre, elle n'est pas prête. Pour le pouvoir, on n'est pas doué. Voilà que je la découvre comme un trésor oublié. Une vue que je retrouve pour les sentiers égarés. La ligne droite, c'est plus court, oh oui c'est plus court. On ne voit pas qu'elle est étroite, qu'il n'y a plus place pour l'amour. Je voulais dire que je t'aime, sans espoir et sans regret. Je voulais dire que je t'aime, parce que ça sonne vrai, parce que ça sonne vrai, parce que ça sonne vrai. Une soixantaine de spectacles. Par année? Oui, à peu près 60-80, ça dépend de l'actualité aussi. L'actualité, quelle sorte d'actualité? Discographique. Ok. Quand on sort un album, il est évident qu'on tourne plus, hein, parce que les gens ont envie de faire partager cette nouveauté-là. Après, comme je me produis beaucoup en solo, ça me permet quand même de tourner tout au long de l'année. Tu fais guitare-voix? Oui. Mais tu m'as dit que des fois tu prenais un petit... Ah ben on joue en trio, oui, bien sûr. Oui. Ok. Non. Je propose que je dis non merci, en tout cas. Et donc, ton travail, de quand tu es en tournée, tu consacres à la tournée, aller aux copains C'est un partage, hein. Quand je suis avec les musiciens, je partage des choses. Après, je me repose beaucoup parce que je sais que un spectacle pompe énormément d'énergie. Donc, j'ai besoin de pouvoir me reposer pour être en forme le lendemain. Et pouvoir offrir une bonne performance. Voilà, bien sûr, oui. Ouais, ouais. Avec les années, tu commences à être de plus en plus à l'aise, même si tu dis que tu es un traqueur, ça doit être un peu moins lourd à porter. c'est compliqué à chaque fois, c'est compliqué, ah oui, bien sûr, parce qu'à chaque fois on doit conquérir le public. Ah ouais, ouais, hein, ouais, c'est à refaire. C'est pas, j'arrive pas avec des gens qui ont des briquets allumés et qui chantent mes paroles par cœur. Non, pas du tout. C'est à moi de les convaincre, de leur faire partager ce que je suis, donc c'est toujours compliqué. Es-tu surpris à chaque fois de l'accueil? Ouais. Oui, je suis flatté. Je suis flatté. Et quelque part, ça me conforte dans l'idée de continuer, de persévérer, même si j'ai la carrière que j'ai, je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux dire par là, la carrière que j'ai? Je suis dans un niveau de notoriété qui me permet de jouer assez fréquemment, d'être bien. Je remplis pas des jauges énormes, mais c'est pas grave, je m'en fous. Mm-hmm. L'essentiel, c'est de pouvoir... Quoi que l'intimité peut être dans des petites salles. Moi, j'adore. J'adore. Franchement, j'adore. Alors, on va revenir à mes questions. Si tu étais une langue? Une langue? J'adore l'afghan. Ah oui? Je trouve que la phonétique de l'afghan est magnifique. La parles-tu un peu? Non, pas du tout, mais je connais des afghans. Et c'est de l'ordre du perse. L'écriture aussi afghane est de l'ordre du perse et c'est magnifique. Je trouve que c'est très beau. Si tu étais une époque? Ben, demain. Ok, ben, ça reste à venir. Ça reste à venir. C'est un peu comme ta ville, ça reste à définir. À construire. Si tu étais un mot? Un mot? Vie. Vie? Vie. Si tu étais un aliment? Un aliment. Un aliment. Le riz. C'est nul, mais non. Je crois que c'est un aliment universel et qui nourrit beaucoup de gens. Ah, effectivement. Et si tu étais ça peut accompagner, comme ça peut devenir un plat principal, si tu... Voilà. Si tu étais une saison? Je serais le printemps. Ah oui, la Renaissance. Ben, le printemps, parce que c'est magnifique. Le soleil, l'hiver, c'est la mort, et le printemps... Je ne meurs pas en hiver. Ah, tu ne meurs pas, mais la saison, non. Non, c'est long. L'hiver est long. Même ici, hein, on n'est pas au Québec, mais l'hiver est long ici, quand même. Imagine, je trouve beaucoup trop long. Imagine au Québec. Oui, ben oui. Mais nous, c'est la beauté, on est habitués, donc on l'attend avec beaucoup de frénésie. Mais après ça, on a hâte de l'avoir parti. Si tu étais un membre corporel... Je vais faire un membre corporel. Allez, je vais me censurer, je vais dire les yeux. Ok. Pour voir l'âme, comme ça. Pour regarder. Oui, si tu étais un autre individu. Un autre individu. Oh, je serais Mandela. Voilà. C'est parce que je trouve que des gens qui sont toute une vie mus par une cause qui est essentielle, je trouve que ces gens-là, ils ont... Le mérite d'être connus. Ils méritent... Et jamais d'être oubliés, surtout, ne jamais les oublier. Non, il y en a qu'on aimerait bien oublier, mais ce genre de personnes, les non. Les humanistes, on devrait s'en souvenir et de se les rappeler régulièrement. Oui, l'exemple dernièrement, quand Simone Veil est morte, il y a eu un hommage unanime. Et je pense que Mandela, dans son pays, devait jouir de la même estime et amour. Ouais. Parce qu'en fait, bon, des gens qui font bouger la société dans laquelle ils vivent, c'est très concret. S'ils se battent, s'ils luttent et s'ils abandonnent pas, moi je trouve que ce courage-là, il est magnifique. Et j'ai pas ce courage-là. Mais je serais Mandela. Si tu étais un moment de la journée? Bon, pas le matin. Non, ok. Quand même, c'est très très tôt, là, t'es parti tôt parce que tu restes loin. Oui. Ok. C'est quoi ces 2 heures de voiture? Trois. Trois, hein. Avec les bouchons, il y a un peu plus. Oh non, c'est comme Montréal. Québec-Montréal. Non, mais c'est comme ça. C'est la vie. Mais tu as autre chose à faire que... Oui, oui. J'ai d'autres interviews. Okay. Ah oui. J'ai profité du fait que tu m'avais suffisamment longtemps à l'avance prévenu. Oui, oui. et que c'était sûr cette fois-ci. Ok, t'as collé plusieurs. Voilà. Bah, en fait, c'est ta femme qui s'est occupée de tout ça. Elle me dit, ouais, tu penses à lui, pense à lui, pense à lui, pense à lui. Mais il y a des gens, pareil. Ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours dans la course quand on fait la promo d'un album et on ne peut pas toujours aller voir les journalistes qu'on aimerait voir et qui ont été fidèles depuis le départ. Donc là, je me rattrape. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Ben, je sais pas, moi. Je sais pas. Je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Je sais pas. J'ai pas de regrets. Déjà, j'ai aucun regret sur ma vie passée. J'éprouve peu de honte. Donc c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Tu assumes tout dans ces... Oui, je pense que j'assume tout, oui. Bah, ce serait un peu stupide de ne pas assumer tout ce qu'on a fait. Ouais. Je crois que c'est... À moins que d'être aveuglé et puis d'avoir fait des choses... manière très peu réfléchie et impardonnable, oui, mais non, là, en l'occurrence, je suis pas non plus quelqu'un de très réfléchi, hein, mais ça va, quoi, ça va. Là, tu prépares un album, est-ce qu'il y a des gens qui s'attendent à une tombée et il faudrait que tu trouves le... Non, ça va, les gens sont sympas avec moi. Ah oui? Ouais. Et toi, est-ce que tu mets une pression, est-ce que tu te mets... Non, je veux pas. Je veux qu'il y ait une maturation. Je veux que ce soit comme un bon fruit. Ça prend combien de temps pour toi de faire un album comme... Bah, écoute, ça prend tant que ça prend. Alors, ça, le dernier, le Bal des Fous, ça a mis, je dirais, 3 mois. C'est rien du tout. Ah, non. C'est rien du tout. Le précédent, il avait duré, ça a duré 3 ans. Donc, c'est y a pas de recette. Il n'y a pas de règles. Non, il n'y a pas de règles. Mais est-ce que tu sens que c'est fluide ou si c'est dur à... Ben, là, pour le moment, c'est fluide, mais je vais peut-être me heurter à... Ok, il y a quelque chose. À quelque peut-être chose, dans l'écriture des textes. Complètement. Peut-être mais c'est à la limite, j'ai hâte d'y arriver parce que justement, je sais très bien que ça va être... Ardu. Très compliqué, ouais. C'est pas gagné d'avance. Du tout. Et on va se laisser là-dessus parce que tu as d'autres rencontres. Est-ce que des choses que tu veux encore revendiquer? Tu as des thèmes récurrents? Dans cet album-là Ben moi je pense que la tolérance et l'amour du prochain, et pour moi c'est important. Et puis la bêtise humaine aussi, c'est vraiment des thèmes que j'aborde assez souvent parce que c'est très récurrent. On vous emmène sous d'autres cieux un peu plus cléments. Parce que nous qui venons du Nord, quand on vient ici, on cherche la chaleur. À défaut de chaleur et de température, on trouve de la chaleur dans les bras d'une jolie fille. Faut que ça bouge devant, faut que ça remue la fesse de droite à gauche et de gauche à droite, c'est selon. We'll be right back. si dégourdi. Et Mélodita, dans les caresses, vous envoie au septième ciel, aussi cruel. D'analyser nos rêves, qui essaye d'expliquer pourquoi moi je rêve de Lolita dont la caresse m'envoie au septième ciel, de femmes pulpeuses aux doigtés si dégourdis. Il me nique la bonne humeur, ceux-là. Ils sont vieux, liquides, vieux, liquides, vieux, liquides, vieux, liquides. Vieux, liquide, vieux, liquide, vieux. Que les choses se répètent trop facilement et que je sais que moi, à ma petite échelle, je ne vais pas faire bouger les lignes, mais je suis en phase avec ma conscience. Voilà. Est-ce que le titre de l'album est déjà... Non, pas du tout. Non. Oh là là, et puis, tu n'as pas d'idée non plus? Pas du tout, aucune. Mais j'aime bien me laisser bercer par les flots et par le courant. Actuellement, là, c'est le plaisir. Ah ouais, c'est sûr, bien sûr. L'envie, c'est de l'ordre du cérébral à l'heure actuelle. plaisir est cérébral, c'est-à-dire que c'est la construction. Mais tu as déjà commencé à enregistrer des trucs, comme tu disais tout à l'heure. Ah oui, là, oui, bien sûr. Les trames sont là. Il y a beaucoup de trames qui sont là. Oui, okay. bien sûr. Après, il faut que je travaille sur d'autres choses pour arriver à peu près au nombre suffisant de titres. Et puis voilà. C'est une histoire à suivre. Ah ben oui. Après, ça, c'est une tournée, éventuellement. 2018, je pense que... As-tu déjà visité le Québec avec tes chansons, ta guitare? Jamais on m'a invité là-bas. Okay. Je le regrette fortement, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est pas... C'est comme ça. Éventuellement, il n'y a rien de... Ah non, je suis pas braqué. Non, c'est ça. Non, mais le monde est à nous, donc... Bien sûr. Oui. Non, je n'ai pas... On m'a jamais offert la possibilité de comment d'aller défendre ce que je fais. Bon, bah, tant pis, hein, c'est... Tu reçois des échos via Internet. Qui t'écoute? Est-ce qu'il y a un public cible? Est-ce qu'il y a un âge cible? Non. Non, ça va de, je dirais, de 16 à 90. Madame? Et, des Belges, des Suisses? Des Belges, des Suisses, des Américains, des Anglais, ouais. Canadiens aussi, oui. Québécois? Oui, il y a deux titres qui avaient été choisis dans une radio aux États-Unis, mais je ne sais même plus c'était quoi comme radio. Deux titres qui ont été. Mais lesquels? Je ne me souviens plus. Ah, ok. Tu as écouté des titres. Le Grand Marchand. Le pardon? Le Grand Marchand. Ok, d'accord. Ça s'appelle Le Grand Marchand. Voilà, je pense que c'était la touche Frenchie, je sais pas. Ah ouais. Mais c'est pas mal, ça. Moi, ça me plaît. Je reçois pas mal de témoignages de gens qui m'écrivent dans d'autres langues que le français, qui comprennent pas forcément les textes. Il m'arrive souvent de jouer en Allemagne, où les gens comprennent pas tout ce que je peux raconter. Et je sens cette émotion partagée. Donc, il y a un côté universel de la musique. Je pense que il faut pas avoir de fermeture, ni même de complexe vis-à-vis de la langue anglo-saxonne, ça sert à rien. Ah non. Surtout si on décide de chanter en français, pourquoi en être gêné? Oui. Il faut le revendiquer, il faut toujours garder la pancarte devant et... Ah non, moi je n'ai pas une fierté, je fais pas du cocardisme. Ok. Ça ne m'intéresse pas, ça. Ok. Parce qu'en fin de compte, j'ai trop pris plaisir à écouter la musique anglaise, anglo-saxonne. Et j'aime bien aussi écouter la musique, mais... des Balkans aussi, j'aime bien la musique du monde que l'on appelle de tout, de partout. Ouais. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien, qui me parlent pas. Et voilà, c'est tout à fait normal. Voilà. Il y a quand même un flux épouvantable de musique qui nous arrive aux oreilles, donc il faut filtrer ce que l'on aime et ce que l'on aime pas. Ouais. Mais je pense que notre subconscient est capable de le faire, ça. Et rapidement, c'est ça qui est bien. On n'a pas à. Ah, des fois, c'est très conscient. Ok. Ça, j'aime pas. Ok, quand ouais. Tu sens que... Ah oui, quand ça ne touche pas. Ça rebute un peu, là on va changer de... Mais je ne vais pas dire que c'est à chier, parce qu'en fin de compte, c'est pas ma culture. Donc, je peux ne pas comprendre. Oui. T'es pas dans ce bain-là, dans cette atmosphère-là. Dans ce franchement, il y a des musiques comme ça qui sont à caractère hypnotique, avec des rythmes basés sur des choses qui ne sont pas dans ma culture. Mais je ne vais pas dire que c'est de la merde. Ouais. Ça ne me touche pas. Mais à mon avis, ça en touche plein d'autres. Et c'est très bien. Ben oui. C'est très bien. Mais si tu touches dans ta chanson, dans ta musique, dans ta création, une personne, c'est déjà beaucoup. Ben oui. Si tu la sors du marasme, si tu la sors de toutes ces angoisses. Ah oui. C'est ça qui est super réconfortant, de savoir que on fait pas ça pour rien. On fait pas ça pour rien, mais on fait déjà ça de manière très égoïste pour soi. Oui, mais il faut se plaire à soi avant de plaire aux autres. Faut essayer de se plaire. Oui, ouais. Effectivement, même dans la musique. C'est important. C'est compliqué, hein, de toute façon, c'est compliqué. Parce il n'y a rien de facile dans rien. Le miroir, tous les jours, il ne vous renvoie pas forcément une image très positive de vous. Donc il suffit de faire comme certains, de ne pas avoir de miroir. Tu sais, il n'y a pas de reflet. Moi, je me regarde beaucoup quand je me rase, c'est tout. Après. Okay. C'est terminé. Après, non. Quand je mets mes petites crèmes de jeunesse, c'est tout. Autrement, je m'en fous. Je m'en fous de ce que je renvoie. Si je me sens bien, je sais que je renvoie pas trop quelque chose de merdique. Mais c'est d'être bien avec soi-même et ça. Oui, Hey, Louville, merci d'être passé. C'est moi qui te remercie. Enfin, enfin. Et on se souhaite un album d'ici un an et demi. Il n'y a pas de date de tombée. Donc, écoute, je crois qu'il est en 2018. Ouais. J'aimerais bien au printemps 2018. Avez-vous réfléchi, c'est vrai qu'on se quitte là-dessus, là. Avez-vous réfléchi sur un DVD pour les gens comme moi qui ne peuvent pas voir ou un album live en direct? Ben, quand je me sentirai capable. Tu parles du DVD ou de l'album? Des deux. C'est-à-dire qu'un album live... C'est super. Mais ce que je veux dire, c'est que les musiciens avec qui je joue sont des musiciens très inventifs, qui se remettent en question et qui n'écoutent absolument pas ce qu'ils ont fait la veille. C'est-à-dire c'est que... C'est bien ça en même temps. Oui, non, mais d'un live à l'autre, ça peut être... Ouais, mais tu captes ça sur plusieurs jours. Voilà, c'est ça. Donc il faudrait pouvoir avoir la possibilité d'une part d'avoir une jauge idéale sur plusieurs jours et d'avoir ces musiciens-là sur plusieurs jours. Ok, ça se modifie à chaque... Voilà, non mais pourquoi pas... Pourquoi pas envisager ça? Alors tu travailles beaucoup sur l'improvisation, c'est ce que tu veux me dire peut-être d'une manière... C'est-à-dire que je donne le canevas, ouais. Quelque chose d'assez précis, et les gens qui sont autour de moi improvisent comme ils veulent. Moi, ils me font rire, ils me font sourire, ouais. Ils me surprennent. Ouais. Mais des fois, même, je me pose des questions, je me dis où est-ce qu'ils vont, et puis en fin de compte, ils retombent sur leurs pattes. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est pas capté, donc le délire est pas... Ah, c'est ça le spectacle vivant. Ok. Vous venez, si vous venez pas, vous allez manquer ça. Je crois que... Après, c'est de l'ordre du fantasme, le spectacle vivant. C'est-à-dire qu'on va emmagasiner des informations et dont on n'aura pas la capacité de restituer le centième. Ok. Voilà. Mais par contre, dans le ressenti général, on sait. Voilà. Et un live, ouais, ça peut être bien un live, mais c'est pas ça. Mais toi, t'aimes pas écouter un artiste en spectacle, c'est ça? Ah si. Un disque. Un disque live. Si, le dernier. Mais bon, ben moi je suis. Le dernier disque live qui m'a vraiment subjugué et transporté, c'est No Crow de Led Zepp et Plant et Page. C'était un live qu'ils avaient enregistré avec le Philharmonique de Londres. Et un orchestre égyptien. C'était. Pour moi, c'était. Voilà. Mais là, on sent qu'il y a des mois et des mois de répétition, d'arrangement. Mmh. Il y a vraiment un énorme travail, mais le ressenti au niveau sur le plan émotionnel, il est là, quoi. C'est quelque chose d'absolument merveilleux. Voilà, ça c'est un live. Donc tu restes encore assez... Ouais, peut-être que quand je viendrai en déambulateur sur scène, j'accepterai qu'on fasse un live. Parce que je peux plus rien faire. Le dernier spectacle, donc, ça va enregistrer. À Louisville, merci. Mais c'est moi. Puis, est-ce qu'on peut prendre des photos? Mais oui, je t'en prie. Ok, on va serrer la main quand même. Et... C'est Yann, Nick? Comment? La facture SFR. Est-ce qu'on a été trop long? Non, pas du tout. Okay. Non, on est dans les temps. Okay. Je ne sais même pas quelle heure. Ah non, mais je coupe, on peut parler. Ah, nickel. Parfait, alors on est dans les temps. C'est ça? Oui, attends, okay. Je me suis pété le dos, donc il faut que je fasse... Pété le dos? J'ai soulevé des pierres et... Ok, attends. Et j'ai fait un mouvement. Une entorse. Un faux mouvement. Donc, j'ai une sensation. Ah, c'est une guerre, on a fait une guerre. Je fais mon coquin, mais... Ah ouais, c'est super. Allez, bon? Là. Le mec, ça fait mal, hein? Ça va avec le gars. C'est inclus. C'est qu'on y va, on en prend trois, ok? D'accord. Deux. Ah voilà. J'en ai pris quatre. Hey, merci, puis je m'occupe de payer. Ah ben écoute, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Combien de forêts calcinées? Combien? Thank you.